et chacun s'enlacera. Guillaume restera. Bonjour Guillaume, as-tu bien déjeuné? Oh oui madame, j'ai mangé du pâté d'alouette. Guillaume, Guillaumette, chacun s'enlacera. Guillaume restera. Bonjour Guillaume, as-tu bien déjeuné? Oh oui madame, j'ai mangé du pâté d'alouette. Guillaume, Guillaumette, chacun s'enlacera. Guillaume restera. Chacun s'enlacera, Guillaume restera.